donc un peu les filles. Allez, parti. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue ici sur RIG pour suivre l'émission Johnny de A à Z. En principe, tous les mercredis, alors on va dire le mercredi de 22h jusqu'à minuit, je vous propose 2 heures d'émission sur Johnny Hallyday. On retrouvera, dans cette émission, on retrouve des lives, du studio, des duos. Ouais, quoi que les duos, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas passé. Et des choses rares comme aussi des pirates, des tipiaques que j'aime bien vous diffuser de temps à autre. Mais il n'y en aura pas pour ce soir. Ce soir, je vous propose dans l'émission Johnny de A à Z un album de la semaine qui date de 1975. C'est l'album La Terre Promise qui est sorti le 17 septembre 1975 et ça fait quasiment 3 albums pour Johnny en un an. Un triptyque qui constitue une vraie et incroyable danse parenthèse artistique entre les années british et l'évolution plus variété qui va suivre. Vous demandez quel est le triptyque ? Ben c'est les 3 albums précédents, c'est-à-dire Rock and Slow, Rock and Memphis et La Terre Promise qui était très rock voire aussi country music. La Terre Promise est un excellent album bien produit par Shelby Singleton avec qui Johnny avait déjà travaillé en 1962. Il fait partie de ces disques de qualité où il n'y a pas de gros tubes ou de chansons incontournables, mais dans lesquels il n'y a rien à jeter. Il met une nouvelle fois en évidence les qualités de composition de l'artiste, l'efficacité de son association avec Michel Mallory qui s'initie 12 titres sur 13. Cette balade dans l'Ouest américain nous dépayse, nous amène loin de la grisaille parisienne ou bordelaise, comme vous voulez, francilienne si vous voulez actuellement. Et la pochette est déjà très évocatrice de l'ambiance. Chapeau de cow-boy sur la tête, Mr. Hallyday marche de dos, au verso, sur une route, la guitare à la main et celle de cheval en bandoulière sur l'épaule. Il y a 3 compositions originales du chanteur sur le disque, le tube Hey Lovely Lady et les 2 magnifiques ballades Je t'aime à l'infini et La première fois. Le country rock est omniprésent avec la chanson qui donne son titre à l'album, l'adaptation d'un classique aussi de Buddy Holly, Raven, sous le titre C'est bon. Il y a aussi la cover de Burning Love, un standard d'Elvis qui devient Promesse. On note aussi des ballades de belle facture comme Les larmes de Belinda, Une fille sans importance et l'adaptation d'un classique de Kris Kristofferson, Help Me Make It Through the Night, en français, Reste avec moi cette nuit. Et on notera une seule adaptation pour Long Chris qui sera cette chanson-là, Reste avec moi cette nuit. Et même si aucun de ces 3 albums n'atteint les sommets des ventes, il constitue un repère majeur dans l'œuvre artistique du maître. Le voyage à Nashville sera aussi pour le chanteur l'occasion de produire un album pour son ami et fidèle collaborateur Michel Mallory avec l'équipe qui a travaillé sur La Terre Promise. En même temps, dans cette émission, on va rendre hommage à Michel Mallory. Il a composé 12 titres sur l'album La Terre Promise et donc tout le reste, on va écouter des versions, des chansons écrites ou composées par Michel Mallory. On aura aussi les versions originales des chansons adaptées de l'album La Terre Promise. On va écouter tout de suite l'histoire de Bobby McGee, une chanson de Kris Kristofferson, qui a été rendue célèbre par Janis Joplin également. Et ça sera tout à l'heure, on en parlera tout à l'heure. Voici tout de suite l'histoire de Bobby McGee, extra album de la semaine, La Terre Promise, datant de 1975. Bonne soirée à toutes et à tous. Je n'ai jamais su d'où il venait et ce qu'il cherchait. Ce garçon triste qui me ressemblait. Ah, on marchait sur les mêmes routes et les mêmes chemins qui vont là d'où personne ne revient. Oui,

que des fous la cassent en deux. Tous les hommes du monde en ont une peur bleue. Là j'en mettrai ma main au feu. Ouais. Tous les hommes du monde en ont une peur bleue. Là j'en mettrai ma main au feu. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. En route Johnny en 1974, au pénitencier de Bochum, c'est donc c'était en Suisse. Le 27 juillet 1974. Et on retrouve Johnny Hallyday en duo avec Michel Mallory. Ma pauvre terre, tu n'es plus rien que ma misère et mon chagrin. Et l'herbe verte dans le grand champ est couverte de ciment. Et la fontaine est asséché. Et notre plaine et notre terre est ventrée. Car ils ont construit, car ils ont construit une prison, une prison sombre et grise. Donc ce soir, album de la semaine, La Ta Promise, mais aussi en même temps, un petit hommage à Michel Mallory également, qui durant 10 années, de 1972 à 1982, il est le principal parolier de Johnny Hallyday, pour lequel l'auteur écrit ou adapte une centaine de chansons. Par la suite, leur collaboration se fait plus épisodique, où il faut attendre 1999 pour retrouver deux chansons de Mallory sur un album d'Hallyday. Avec 114 titres à son actif, Michel Mallory est le parolier qui a écrit le plus grand nombre de chansons pour Johnny Hallyday, comme le titre qu'on va écouter, extrait donc de l'album de la semaine, qui est La Terre Promise, Tout ce que tu veux. S'il y a quelque chose ce dont tu as envie. Même une folie demande ce que tu veux. Oh oui, tout ce que tu veux. Oh oui. Et si tu veux l'été, oui, même en plein hiver, pour ton amour je peux bien faire ce que tu veux. Oh oui, tout ce que tu veux. Oh oui. Et tout devient possible quand on devient fou. Je te donne l'amour et je te donne tout ce que tu veux. Oh oui, tout ce que tu veux. Oh oui. Et si tu veux des nuits qui n'en finissent pas, demande et je ferai pour toi ce que tu veux. Oh oui, tout ce que tu veux. Oh oui. Si tu as des désirs qui dorment au fond de toi, réveille et tu peux faire avec moi ce que tu veux. Oh oui, tout ce que tu veux. Oh oui. Et tout devient possible quand on devient fou. Je te donne l'amour et je te donne tout ce que tu veux. Oh oui, tout ce que tu veux. Oh oui. Brûlant comme un grand feu, chaque jour plus fort on peut faire tous les deux ce que tu veux. Oh oui, tout ce que tu veux. Oh oh. Et si tu veux l'été, oui même en plein hiver, pour ton amour je peux bien faire ce que tu veux. Oh oui, tout ce que tu veux. Possible quand on devient fou. Je te donne l'amour et je te donne tout ce que tu veux. Oh oui, tout ce que tu veux. Oh oui, tout ce que tu veux. Auteur prolixe à qui l'on doit également notamment le standard country Before the Next Teardrop Falls, Ben Peters signe Baby You've Got It. Rien à voir avec le titre homonyme de Brenton Wood, dont il confie les éditions à Shelby Singleton, chez qui justement Johnny est venu enregistrer. Jimmy Ellis alias Orion, imitateur d'Elvis Presley, produit aussi par Shelby Singleton, l'enregistra à son tour sur l'album Sunrise en 1979. Ce n'est pas la version donc de Jimmy Ellis que nous allons écoutez à présent, mais la version de Clarence Murray, Baby You Got It, la version originale de Tout ce que tu veux. Version plutôt solo music. You got it a thing that can make a man just about to lose his mind. Baby, you got it. You tellement de temps que l'on navigue ensemble. Ça ne finira jamais. Johnny et les années 70. Je suis plus seul qu'au premier jour dans ma prison de gloire. Ne me parlez plus d'amour, j'ai peur de ne plus y croire. J'ai le cœur à l'abandon, elle n'y a rien. Je t'aime dans mes chansons, mais je sais que je suis né pour vivre sans amour, pour vivre sans amour jusqu'au dernier de mes jours. Moi, je vivrai sans. Ces filles qui crient mon nom au milieu des bravos n'aiment au fond que mes chansons et n'embrassent que mes photos. Et dans cette guerre d'amour j'étais trop. C'est bien que je suis né pour vivre sans amour, et pour vivre sans amour jusqu'au dernier de mes jours. Moi, je vivrai sans amour jusqu'au dernier. Je vivrai sans amour. Le tandem Johnny Hallyday et Michel Mallory, extrait donc de l'album Derrière l'amour, une très belle balade qui finit cet album-là, Né pour vivre sans amour. Voici à nouveau un duo, justement le tandem Johnny et Michel Mallory, qui sur l'album de la semaine nous propose le titre Je t'aime à l'infini, une superbe balade country music. Ne t'en fais pas, on a toute la vie pour oublier tout ça, il nous reste toutes les nuits pour faire l'amour autant que l'on s'est trahi. À l'infini, je t'aime à l'infini. Ne pleure pas, j'ai déjà pardonné. Regarde-moi, avec le temps, j'ai déjà oublié. On peut s'aimer autant que l'on s'est menti. À l'infini, je t'aime à l'infini. À chacun notre tour, on a trahi l'amour. Je revenais parfois, tu revenais souvent, le cœur blessé en pleurant. Faisons l'amour comme la première fois,

chercherai, mais tu ne seras plus là. La fin de l'amour ou la fin du chemin, c'est toi. Le temps jaunit l'espoir et les photos qui dorment dans les tiroirs. Morte, le vent a emporté nos mots d'amour. Quand je reviendrai, même si je viens pour rien, je veux essayer tout pour arriver demain. On apprécie ici hein, Johnny doublant sa voix avec beaucoup de manières et de goût, hein, de manière et maîtrise. Voilà. Quand je reviendrai, autrement dit, l'adaptation du titre Got You On My Mind qui fut créé par Big John Crear en 1952 et repris par Big Joe Turner en 1959. Cookie and These Hup Cupcakes l'enregistrèrent avec un certain succès en 1963. Ils tournèrent alors au même programme que Jerry Lewis, ce qui lui donna l'idée d'inclure sur l'album The Return of the Rock en 1965. Ce n'est ni la version donc de Big Joe Turner ni de Big John Crear ou des Cookies et des Cupcakes qu'on va retrouver, mais ce sera la version de Eric Clapton dans les années 2000. We'll be right back. Captain à l'instant, Got You On My Mind. Ce soir, on écoute l'album de la semaine, La Terre Promise, ainsi que les versions originales, car donc la majorité de ces titres sont albums et sont des reprises, sont des adaptations, du moins, on écoute les versions originales, et puis aussi, un petit hommage à Michel Mallory, on en profite également, car il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour Johnny Hallyday, dans les années 70 surtout, et évidemment, on n'oublie pas la rubrique d'Antoine Decaune avec l'Odyssée Johnny Hallyday, et on parle du titre La Terre Promise. L'Odyssée Johnny Hallyday. Cette semaine, l'Odyssée de Johnny Hallyday vous emmène à Nashville, Tennessee, où Johnny a l'habitude de travailler avec un producteur américain, Shelby Singleton, qui est aussi le directeur artistique de Jerry Lee Lewis. Originaire du Texas, Shelby Singleton, patron du département country des disques Mercury, s'est guidé de Johnny Hallyday dans le choix de ses morceaux et réunir les musiciens qui lui conviennent le mieux. C'est ainsi, au printemps 1975, que Johnny enregistre à Nashville, dans le studio personnel de Shelby Singleton, un album dont le titre La Terre Promise est inspiré par une chanson de Chuck Berry, The Promised Land. Chuck Berry avait publié ce morceau en 1964, peu de temps après être sorti de prison où il venait de passer 4 ans pour détournement de mineurs. Malgré le fait qu'il ait été victime d'un juge raciste, Chuck Berry affirme dans cette chanson son amour de la mère patrie, qu'il baptise la Terre Promise. En 1973, un autre patriote notoire, Elvis Presley, qui est revenu travailler dans sa bonne ville de Memphis, chante à son tour The Promised Land d'après Chuck Berry. Cette adaptation magistrale suscite de furieuses démangeaisons chez les deux plus célèbres rockers français. Eddie Mitchell l'enregistre de son côté sous le titre Une Terre Promise. Il y a sûrement quelque part une fille qui m'attend. Un ami perdu dans un bar qui boit pour tuer le temps. Prêt à m'offrir sa première ou sa dernière chemise. Il y a sûrement quelque part une telle promise. Un endroit où rien n'est interdit, où tout n'est que musique. Sans un building, sans parking, un monde féerique. Un pays vivant en dehors du temps, très loin des planètes grises. Parallèlement à Monsieur Eddy, Johnny grave un texte différent sous un titre quasiment similaire, La Terre Promise. Si la référence est religieuse, c'est dans le sens où, pour Johnny, le rock'n'roll, le blues et la country sont des credos. D'ailleurs, à chaque fois qu'il se rend à Nashville, il a l'impression de faire un pèlerinage sur la terre de ses rêves, de sa vocation. Tellement beau ce que je dis que je suis au bord des larmes. La terre brûle sous mes pieds et je ne sais pas m'arrêter. Oh oui, je vais où mes chansons m'entraînent et je ne fais rien que passer. Oh oui, je suis chez moi là où on m'aime, ailleurs je suis un étranger. Oh

with me. She said, I've loved you for a long time, but you're married to a friend of mine, and I try hard to never let it show. But my love for you is stronger, I can't hide it any longer, and so I thought I'd better let you know. Now I'm lying here with Linda on my mind, and next to me, my soon-to-be, the one I left behind. And Lord, it's killing me to see her crying. She knows I'm lying here beside her with Linda. Hallyday by Hallyday. Envoie-moi la musique. Donne-moi le temps de t'aimer. Laisse-moi le temps d'oublier, d'effacer son nom, son rire, ses yeux. Donne-moi l'envie d'être heureux. Laisse-moi le temps qu'il faudra. Doucement, mon cœur. J'ai besoin encore de lire en moi. Laisse-moi le temps d'être à toi. J'ai au fond du cœur comme une blessure que tu peux guérir avec ton amour. Oh, oh, oh. Laisse-moi de t'aimer. Donne-moi l'envie de rêver. Apprends-moi l'amour de ton amour. Oh, laisse-moi le temps le temps qu'il faudra. Doucement, mon cœur guérira. J'ai besoin encore de lire en moi. Laisse-moi le temps d'être à toi. Laisse-moi le temps de t'aimer, extrait de l'album Rock and Slow en 1974. Je vous ai proposé, pas si longtemps que ça, Johnny Hallyday et les versions originales, les versions françaises. C'est-à-dire que Johnny a interprété une version en français et après il a interprété dans une autre langue, aussi bien en allemand, en espagnol, en japonais, en anglais et tutti quanti. Et ben voici la version anglaise et la version française de Hey Lovely Lady qui fait partie de l'album La Terre Promise. Be say with your smile. Hey, lovely lady, you got me hazy when you're on the street. Oui, trop pour m'aimer. Hey, lovely lady, tu mets dans mes nuits le ciel d'été. Everything about you is a dream that I can see. Visions of me walking in love and introducing your sweet. Quand je te vois, ah, ah, ah. Quand tu me dis oui que tu m'aimes, je sais que tu mens, mais je te garde quand même. Would you go with me? Hey, lovely lady, could I take you with me? You look so good. Hey, lovely lady, you drive me crazy. Allez, à nouveau, un nouveau titre de l'album de la semaine qui est donc là, ta promise. Et voici le titre, La rue est vers l'or. Tandis que certains cherchent à éloigner la musique country de l'imagerie western, Michel Mallory va à contre-courant, préférant évoquer la conquête de l'Ouest à la fin du 19e siècle, les pionniers, et les chercheurs d'or, et tutti quanti, les diligences et compagnie, le train, tout ce que vous voulez, les filles, le saloon, le shérif, l'adjoint du shérif. Les filles de joie. Prends tes chevaux, ta femme et tes gosses. Là-bas, il y a de l'eau. Ah oui, prends ton fusil et n'oublie pas tes bottes. Viens, il en est temps encore. Oh oui, jette ta clé, laisse la porte ouverte. Achète-toi un chariot. Oh oui, prends une pelle et aussi une pioche. Là-bas, c'est l'Eldorado. Oui, c'est la course vers l'or. C'est la course vers l'ouest. Et c'est la grande course pour la vie. C'est la course des hommes. L'aventure nous appartient. Oh oui, garde ton eau, ne perds pas tes cartouches. Fais attention aux Indiens, car c'est la course vers l'or, c'est la course vers l'ouest, et c'est la grande course pour la vie. C'est la course des hommes. Ce titre-là, un titre original qui est You're the One, une chanson qui a été écrite par Bob Morrison, et c'est Glenn Campbell qui l'a enregistré le premier en 1973. Son album I Knew Jesus Before He Was a Star. J'ai connu Jésus avant qu'il devienne une star. Oui, bien sûr. Voici la version de Glenn Campbell, You're the One. to show. Oh, and many's the time I stood at the crossroads, not knowing which way to go. Many's the time someone lay close beside me, but I don't remember her name. They'll say that I'm just a smile in a moment, but that was before you came. You're the one in a million. You're the one, you're the one. You're the one in a million I see. You're the one in a million. You're the one, you're the one. You're the one in a million for me. Allez, à nouveau, c'est ma tournée. Encore un autre titre de l'album de la semaine qui est la première fois. Et on trouve ce titre au dos du simple La Terre Promise. On découvre cette ballade country assez lente sur laquelle Johnny exerce son art inné de la dynamique. Une superbe ballade, encore une fois. Moi j'avais peur, toi tu tremblais. Du fond du cœur, tu m'appelais. Et cette nuit était pour toi la première fois. Oui, je découvrais un peu de toi, du bout des yeux, du bout des doigts. Ton premier cri, ce fut mon nom la première fois. On s'aimait tant. On se trouvait, on s'attendait, on s'aimait. C'était bien plus que de l'amour la première fois. De toi, du bout des yeux, du bout des doigts, ton premier cri, ce fut mon nom la première fois. Oui, ton premier cri, ce fut mon nom la première fois. Salut, c'est Johnny. Johnny en live sur le plateau de Taratata, c'était en 2007. Ouais.

danser sur le bar pour que chacun s'approche une bouteille de Ricard. L'étranger dans la ville, il s'est fait des amis. On danse dans la Maintenant, on va essayer de continuer un peu de musique. Un jour viendra, tu me diras, je t'aime. Toi, c'est la vie qui t'a envoyé. Johnny et les années 80. Oh. Ah. Quel métier fatigant. Ton cœur sous ton manteau d'étoiles, tu brûles une ville par jour, où tu laisses toujours une fille au cœur lourd. Ces mains qui se tendent vers toi, jamais tu ne les vois, chaque soir pourtant tu ton cœur dans ta voix, et après tu t'en vas. Pourquoi y a-t-il ce grand mur autour de toi qui te cache l'amour? Tous les je t'aime s'y brisent toujours, et tu n'es qu'un chanteur sans amour. Qui s'enfuit et déchire la nuit, voilà ce qu'est ta vie. Sans amour, voilà tout ce qu'elle m'avait dit, cette fille d'une nuit qui m'a mis le cœur en déroute. Je la cherche chaque nuit, chaque jour, sans elle je suis toujours le chanteur sans amour. Sans elle, je suis toujours le chanteur sans amour. Allez, à présent, on va faire un petit point actualité sur Johnny Hallyday. Concernant les livres, rappelez-vous, hein, j'avais invité récemment Jean-François Chenu pour qu'il nous parle de son livre Johnny, ses concerts, sa plus belle histoire d'amour, donc de Jean-François Chenu et de Michel Leclerc aux éditions Grund. On aura une prochaine émission avec Jean-François Chenu. La suite, la deuxième partie, ça sera pour le 8 décembre. Il y a également le livre aussi Johnny par Jean-Philippe, un recueil de ses plus belles interviews par Thibaut Geffrotin chez Talent Édition également. Et on, donc, je devrais aussi avoir Thibaut prochainement au cours de, pour cette émission. Et là également Johnny de A à Z. Et puis aussi, on va rappeler aussi qu'il est déjà sorti Johnny Hallyday, petite histoire secrète de 15 ans de tournage de Patrice Galoupeau aux éditions AFNIL. Voilà ce qu'on peut dire au niveau des livres, plus ce qu'on peut recommander hein, également actuellement. Et puis, est sorti le 19 novembre, je vous le rappelle, Johnny les raretés Warner. Hein, c'est sorti le 19 novembre dernier. Ce CD-là contient des chansons issues de tirages collector, des versions live rare, des duos, des singles et des titres hors album. Voilà. Il y aura prochainement de la part de chez Universal le coffret regroupant acte 1, acte 2 en version CD et en vinyle. Ça, c'est pour le 10 décembre. Et de chez Warner sortira aussi le 10 décembre Mon nom est Johnny avec le film de sa tournée mythique aux US en 2014 en DVD réalisé par Pascal Duchesne. Il existera aussi en Blu-ray également. Et le CD des meilleures performances live de la tournée américaine. week-end. Il y aura également ce film-là sera projeté en salle Ice dans les méga CGR le 2 décembre 2021, ainsi que le dimanche 5 décembre à 23h20 à l'occasion de la date anniversaire de la disparition de Johnny, le 5 décembre donc sur Canal+, qui diffusera donc ce documentaire exceptionnel intitulé Mon nom est Johnny. On reprend la programmation de cette émission Johnny de A à Z avec un titre que un titre original qui s'intitule He Comes Every This Bobby de Eddie Weaver, adapté en français par Michel Mallory. C'est devient une fille sans importance. On va écouter un petit peu le titre de Eddie Weaver et après je le couperai car il est nettement moins bien, largement en dessous de la version de Johnny Hallyday. On écoute ça tout de suite. Évidemment, le titre Une fille sans importance fait partie de l'album de la semaine La Terre Promise. Merci pour ton titre. On écoute tout de suite la version de Johnny Hallyday, Une fille sans importance. Extra album de la semaine, La Terre Promise. Alors là, on va chanter. Là. Oui, on va chanter, je vous le dis. C'est une fille sans importance qui fait l'amour comme elle respire. Ouais. Son cœur, elle est à tout le monde et à personne. Elle appartient au temps et à l'amour. Elle vous aime et puis vous abandonne. Mais je sais que

nous allions le soir pour dire que tu ne viendras plus. Je boirai dans ton verre du haut de ton enfer. Tu me verras peut-être pleurer. Il me reste le monde, plein de brune et de blonde, mais sans l'ombre d'une amitié. Nos rires et nos bagarres, nos cuites et nos histoires, c'est fini. Salut Charlie, et je boirai pour deux à la santé des filles. Et je boirai pour deux comme avant quand on était deux. Salut Charlie. L'amitié en guenille était ma seule famille. Grâce à toi je m'en étais tiré. Y'a ton chien qui te cherche avec son cœur en laisse. Bien sûr, je ne vais pas le laisser. Je vais payer tes dettes et puis casser la tête à ceux qui te l'ont trop cassé. Nos rires et nos histoires, nos cuites et nos bagarres. Oui, c'est fini. Salut Charlie. L'album de la semaine qui est La Ta Promis, sorti le 17 septembre 1975, et on va écouter l'adaptation de Reste avec moi cette nuit, autrement dit le titre original Help Me Make It Through the Night. À son actif, Me and Bobby McGee et Sunday Morning Coming Down, Kris Kristofferson est déjà un auteur respecté quand lui vient une nouvelle inspiration. Il entend un jour Frank Sinatra déclarer que s'il n'est pas avec sa compagne, ou une compagne on va dire hein, même, il emporte au lit une bouteille pour l'aider à passer la nuit. Il tire de cette réflexion « Help me make it through the night, aide-moi à passer la nuit ». La chanteuse Sammy Smith l'enregistre la première en janvier 1971, prenant Bobby Bear de vitesse et obtient d'excellents résultats numéro 8 dans Billboard, provoquant une impressionnante série d'interprétations par Jude Simon, Gladys Knight, John Baez, Johnny Cash, Brian Ferry, Lorena Lynn, Willie Nelson, Orion, Dolly Parton, Charlie Pride, Percy Slade, Tammy Wynette et plein d'autres encore. Et non sans importance, aux yeux de Johnny, le titre apparaît également sur les disques de Jerry Lewis et de Elvis Presley. Voici la version de Johnny Hallyday et après on écoutera la version d'Elvis. Tes cheveux en liberté sont étalés sur mon lit. Le soleil va se coucher entre les bras de la nuit. Voudrais-tu rester ici jusqu'aux lumières du matin? Je prends un peu de ta vie. reste avec moi cette nuit. L'amour nous a bien surpris, nous qui étions des amis. Nous avons la même envie. Oh, reste avec moi cette nuit. Où est le bien, où le mal? J'ai tort, mais cela m'est bien égal. Je t'en supplie, reste encore. Nous étions de bons amis. Passé, il est mort. Nous avons toujours le temps. Je peux repousser l'aurore. Reste avec moi cette nuit. Oui, je peux repousser l'aurore. Avec moi cette nuit. Voici la version d'Elvis Presley. Take the ribbon from your hair, shake it loose and let it fall, laying soft against my skin like the shadows on the wall. Come and lay down by my side till the early morning light. All I'm taking is your time. Help me make it through the night. I don't care what's right or wrong. I won't try to understand. Let the devil take tomorrow. Cause tonight I need a friend. Yesterday's dead. Tomorrow's out of sight, and it's sad to be alone. Help me make it through the night. I don't care what's right. Yesterday's dead and gone, and tomorrow's out of sight, and it's sad to be alone. Help me make it through the night. I don't want to be alone. Help me make it through the night. Très belle version de Elvis Presley que je vous ai proposée. Là, une des versions, une des reprises de Help Me Make It Through the Night. On va écouter un autre titre de cet excellent album La Terre Promise de 75. C'est le titre C'est Bon, autrement dit une reprise donc d'un titre de que j'ai perdu de Buddy Holly, Raven. Écoutons d'abord la version de Johnny. Quand je te tiens là entre deux mes bras, je ne sais pas ce qui se passe en moi. Oui, c'est bon quand tu m'embrasses, que je sens ton corps contre mon corps. Tu dis oui, que tu m'aimes, et c'est bon. Ton lit est aussi chaud qu'un ciel d'été, ta peau dorée, un goût si sucré. C'est bon de vivre ensemble, toi et moi, on se ressemble. Tu dis oui, que tu m'aimes. Qui se passe en moi. Oui, c'est bon, oui, quand tu m'embrasses, que je sens ton corps contre mon corps. Tu dis oui, que tu m'aimes. Et c'est bon, oui, c'est bon, ton corps si chaud. C'est bon, le goût de ta peau. C'est bon, je n'ai rien d'autre à te dire. C'est bon, oui, pour ton amour. C'est bon, la nuit. Buddy Holly fut tué dans un accident d'avion en 1959. Bien que mort si jeune, il laisse un héritage musical d'une richesse inouïe. Il a par ailleurs aidé à populariser la Fender Stratocaster et à exorciser le parti pris anti-lunettes pour un chanteur de rock. Contre un remords à son collègue Dick Rivers, Johnny n'est pas un forcené du répertoire de Buddy Holly. Il a taquiné Peggy Sue sans vraiment concrétiser. Maybe Baby n'est sorti qu'à peine, peut-être, avec le titre peut-être bien. It's So Easy en duo avec Sylvie fait cantonner un passage en radio. Not Fade Away, je vais te secouer, est un choix tardif, éventuellement motivé par la version des Rolling Stones. Et le titre d'I'll Be The Day, quand ce jour viendra, avait seul constitué un emprunt officiel, sérieux et intéressant avant la réalisation de C'est Bon à Nashville chez Selby Singleton dans un style country rock and roll contemporain de bon aloi et qu'on a aimé ici sur l'antenne de RIG. Voici la version de Buddy Holly, Raven. Oh, all the little things you say and do make me want to be with you. Rain on, it's a crazy feeling, and I know it's got me reeling when you say I love you. Rain on, the way you dance and hold me tight, the way you kiss and say goodnight. Rain on, it's a crazy feeling, and I know. When you say revenir maintenant à quelques chansons que Michel Mallory a adaptées ou carrément écrites pour Johnny Hallyday, comme les titres Je ne pourrai jamais l'oublier, Il faudra plus de temps que m'en donnera la vie, et également le titre Le blues, ma guitare et moi. Tout ça, ce sera enchaîné ici dans l'émission Johnny de la Z sur RIG. Quelque chose de Tennessee. Ça fait tellement de temps que l'on navigue ensemble. Ça ne finira jamais. Johnny et les années 80. Caché, je caresse de

soir, je chante encore le blues de ma vie. Le rock and roll, le blues de l'oubli, qu'elle m'a laissé au cœur avant qu'elle ne s'envole. J'ai compris ce jour d'été où elle est partie. De ma vie. Et dans mon cœur, il ne peut plus vraiment faire très froid. On reste tout seul, le blues, ma guitare et moi. Et je chante le blues de ma vie. Et je chante le blues de l'oubli. Et je chante le blues dans la nuit. Et je chante l'album de la semaine et qui est la Terre Promise, sorti le 17 septembre 1975. Aussi, on rend en même temps hommage à Michel Mallory, qui est le plus grand parolier pour Johnny Hallyday. Et on écoute en même temps aussi des versions originales. Les versions originales, par exemple, du titre Promesse. Qu'est-ce que c'est Promesse? Eh bien, c'est la version française de Burning Love, chantée par Elvis Presley en 1973. On l'écoute tout de suite et après on écoute la version d'Elvis Presley une nouvelle fois. Mais oui, on aime Elvis aussi dans l'émission de Johnny de A à Z. On aime. Si chaud que des flammes, et dans tes yeux je vois briller le désir. Oh oui, et tu m'attires avec ton corps et tes armes. Oh oui, mais tu promets toujours sans jamais tenir. Tu remets toujours à fais mourir d'impatience. Tu me rends fou et puis tu rentres chez toi. Oh oui, j'attends demain, j'attends que vienne ma chance. J'attends l'amour que tu me promets chaque fois. Tu remets toujours à demain. Fais attention, oh oh, un jour lassé de promesses, tu resteras prisonnière entre mes bras. Écrit sous mes caresses. Cette nuit-là, tu la passeras chez moi. Oh oui, tu remets toujours à demain l'amour qu'on peut faire aujourd'hui. Mais je n'attendrai pas toujours ton amour. Elvis Presley, Burning Love, centaine de RIG, dans l'émission Johnny de A à Z. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. On n'a pas parlé de l'album Hollywood de Michel Lowry, a beaucoup adapté aussi sur cet album-là, Hollywood. Notamment ce titre-là. Voici le titre Tout m'enchaîne. Je ne me souviens plus du titre original, je ne m'en souviens plus. Tu n'étais qu'une fille fragile, à la bouche rouge et mouillée. Crying shame. Et ton corps se faisait docile. J'ai perdu la notion des choses quand j'ai mordu à pleines dents. Oui, dans ta vie et dans tes lèvres roses, pour tenter d'arrêter le temps. Live de la soirée à présent, voici le titre Je t'aime, je t'aime, je t'aime, extrait de l'album éponyme Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Encore un titre écrit par Michel Mallory et aussi par Jean Renard. Un titre qui aurait pu être un classique dans le répertoire de Johnny. Je t'aime, je t'aime, jamais m'en martyre. Merci, cette émission spéciale album de la semaine, L'Inter Promise datant de 75, avec les versions originales également adaptées par Michel Mallory, qui a été aussi. Ben oui, le fil conducteur, c'est Michel Mallory tout au long de cette émission. Et puis merci également à vous d'avoir assisté à cette émission, d'avoir participé pleinement. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une émission live. À bientôt à toutes et à tous. Ciao, ciao!